celle qu'il me préfère. Elle est donc bien charmante, imprudente bergère. Ne crains-tu point les maux que j'éprouve en ce jour? Colin a pu changer, tu peux avoir ton tour. Que me sert d'y rêver sans cesse? Rien ne peut guérir mon amour, et tout augmente ma tristesse. Ici sa demeure, il sait tout, il saura le sort de mon amour. Je le vois et je veux m'éclaircir en ce jour. Il aime à se parer. Sa vanité vous a fait un outrage que son amour doit réparer. Tous les jours de rubans et de dentelles, je

chalumeau, ma houlette, soyez mes seules grandeurs. Ma parure et ma colette, mes trésors sont ses frappeurs. Quand tout cet humil y plaira, à ton besoin d'autre bien. Prends-moi ton cœur, ma bergère, car elle t'a rendu le sien. Que le Seigneur de Portance voudrait bien avoir sa foi. Thank you. que ton cœur. Ta foi ne m'est point ravie, non, consulte mieux ton cœur, toi-même en m'ôtant la vie. Tu perdrais tout ton bonheur, toi-même en m'ôtant la vie. Tu perdrais tout ton bonheur. Hélas, vous m'avez trahi. Vos soins sont superflus. Non, non, je ne t'aimais plus. C'en est donc fait, vous voulez que je meure, et je vais pour jamais m'éloigner du hameau. Faut-il que je demeure pour vous voir un amant nouveau? Tant qu'à mon collège j'y suppléerai, mon sphère comblait mes désirs. Quand je plaisais à ma bergère, je vivais dans le plaisir. Depuis que son cœur me méprise, un autre a gagné le mien. Après le double qu'elle brise, serait-il un autre bien? Ma Colette se dégage, me creuse un abîme dans les larmes. Je me dégage à mon tour, mon cœur devenu paisible oubliera s'il est possible que tu lui fus cher un jour. Quand elle devenue paisible, oubliera s'il est possible, s'il est possible, que tu lui fus cher un jour, que tu lui fus cher un jour. Mon cœur devenue paisible, oubliera s'il est possible, que tu lui fus cher un jour. Que tu lui fus cher un jour, que tu lui fus cher un jour. Quelques bonheurs qu'on me promette, dans les lieux qui me sont offerts, j'eusse encore préféré Colette à tous les biens de l'univers. J'eusse encore préféré Colette à tous les biens de l'univers. Quoiqu'un seigneur jeune aimable me parle aujourd'hui d'amour, comment lui semble préférable à tous les clans de la cour. Oh, Colette, faut-il t'aimer malgré toi? Mmh. cruel maléfice. Vous vous aimez encore, malgré les envieux. Quel droit pourrais jamais payer tel service? Je suis assez payé. Si vous êtes heureux. Thank you. ne puis sauter ainsi. Je dirais pour ma part une chanson nouvelle. L'art à l'amour est favorable et sans art la vous échapper. Voilà, il faut ne plus aimable, au final pour ne plus aimer. Pour l'ordinaire, l'amour. Allons danser sous les enfants, animez-vous, je ne viens.